19, 29 observations. Clair, présent et passé composé. J'aime la botanique. Ça me plaît. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a plu. Notez que, au passé composé, plaire est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé de plaire est plus.